Mas essa vache, que não sabe para fazer. Mas você não sabe para fazer. Faz por si, só. Moi, j'ai une petite fille d'un séminaire, là, elle est belle, elle est cute, à 25-26 ans. Là. Moi, j'étais single, je pense que je l'amènerai à la messe. Messe! Je vais pas dans les clubs! Dans le confessionnal? Dans le confessionnal? Elle est belle! Elle est belle, t'as de belles peaux, elle est belle. Ouais, j'ai pas fini. Tu fais quelque chose? Hein? Ouais, donnez-moi une petite minute. Puis elle est seule. Moi, je comprends pas ça qu'une petite fille comme ça soit seule. Elle devrait se trouver un chum. Il y a du beau monde. Du monde intelligent. Lui est cute. Elle est seule. Comment est-ce que du monde. Moi, je peux pas comprendre ça qu'une femme qui est belle, qui est jolie, qui est intelligente, qu'elle soit seule. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Puis il y a qu'une réponse à ça. C'est qu'elle, en dedans, est bloquée. Faut qu'elle se débloque. Mais elle a peur d'être en amour. Parce qu'elle dit, les garçons, vous le dites, c'est pas un cadeau. Ça, elle a raison. Elle a raison. Ça a bien raison, ça, ça je peux rien dire. Ouais. Quand je peux rien dire, vous faites ma gueule. À moins de faire des séminaires. Ouais, mais c'était bien tout seul. T'es jamais bien tout seul. Pas vrai. Non, pas c'est pas vrai. Plein d'amis. T'es bien tout seul. Quand t'es bien tout seul, c'est parce que quand t'es bien tout seul, c'est parce que t'es capable d'être tout seul. T'es pas capable. Eh bien, nuancé celle-là. Si t'es pas capable d'être seul, c'est pas une faiblesse non plus. Quand t'es bien tout seul, c'est parce que t'es capable d'être seul. Mm-hmm. Ça, c'est la première réponse à cette affaire. Ça, il dit qu'il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas un être qui veut être seul dans la vie. Parce que tous les êtres veulent communiquer avec un autre être. Mm-hmm. Mais souvent, t'es mieux être seul qu'être pogné avec des poireaux. Ou tu peux avoir d'autres raisons. Il peut y avoir d'autres raisons pourquoi est-ce que t'es tout seul. Toute ton affaire est bien étrange. Ça parlera. Comment avoir un bon professionnel de bandement? C'est parce que je peux le raconter. On devait me présenter quelqu'un en fin de semaine. On me le présente vendredi après-midi. Il disparaît la fin de semaine. Un groupe d'amis l'a amené, me l'ont enlevé complètement. Enfin, je suis là. Il fallait que ce soit comme ça. Je te dis. Et ceux qui me l'avaient présenté étaient insultés. Mais moi, j'ai rien. Je savais qu'est-ce qui s'était passé. Je lui ai dit, arrêtez-vous, il fallait que ce soit pas comme ça, mais ils comprenaient pas et ça. T'es comme ça. Mais c'est drôle, hein? Oh, il dit, m'appelle, hey, je veux te revoir, je quoi? C'est un peu trop loin pour se faire jouer des trous. Mais c'est bon que tu sois comme ça. Ben oui. Parce que ça te permet au moins d'avoir la chance de rencontrer un partenaire. Mm. Du moment que tu as la chance. Laisse la porte ouverte. La clé. La bonne. Mais il y a une chose qui a été bonne, qui ça m'a permis en fin de semaine. Je conduisais un vieux monsieur de 88 ans qui allait voir son petit frère de 92 ans. Non, ben, c'est ça. Dans la même occasion, on présentait l'autre où il s'était sauvé. Mais là, ça m'a permis de voir, même à 92 ans, à quel point la sensualité existait encore chez l'homme. Pépé de 92 ans, là, c'était pas des fesses. Ben oui, j'avais jamais vu ça. J'en avais de la voix. Je peux pas sourire quand t'es beau. À un moment donné, j'ai dit, père, je suis ici, mais touche-moi pas. Pourquoi tu l'as pas laissé toucher? Pauvre bonhomme, pourquoi tu l'as pas laissé toucher? Non, parce que je connaissais ça. Ça. Ouais, 92 ans. 13 ans. Mais 13 ans. Elle est 20 ans, je peux pas sauver, mais après ça, elle pousse. Ben ouais, mais dans cet âge-là, tu es dans un coin. C'est pas dangereux. J'avais franchement. Très bon. Il me dit quelque chose de bien intéressant.

pour que je se rende compte de la propriété, il faudrait que je se rende compte de la femme qui m'a vendu, la bonne agent d'immeuble, qui connaissait la propriété, et t'as même pas à vendre la propriété. Là, elle m'a monté deux propriétés. J'ai dit, non, c'est pas ça. Non, non, pas ça. J'ai dit, non, non. Là, elle dit, ah, j'ai une idée. Il y en avait une l'autre bord de chez eux, l'autre bord du lac. Elle m'a amené là. Puis c'est là que ça a été fait. Ça s'est fait. Le courtier en immeuble, il croyait même pas. C'était le temps. Puis celui qui m'a vendu la propriété, il me l'a vendu à cause de ma gueule. Il dit, je l'aurais jamais vendu la propriété. Puis il n'a pas besoin de ça, c'était millionnaire. Mais, ma gueule. Puis là, on est chum ensemble, on va ensemble. Là, c'est mon ami. C'est pas qu'il y a un gars qui me vend une propriété. Puis sa propriété, il y avait bien du terrain. Puis j'aurais bien pu tout prendre de terrain, moi. Quand t'as une propriété, tu payes tant pis tu prends tout le terrain. Eux autres en haut, ils me disent, donne-y la moitié du terrain. Fait que sur le contrat, j'ai dit à son avocat, j'ai dit, moi, je prends une moitié, là, lui, je donne l'autre moitié. Il est venu tout croche, le gars. Ça se fait pas! Ça se fait pas! Ah, c'est quelque chose. Dans le temps. Puis la propriété est exactement ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Oui, là, c'est une propriété, elle se me remet, mais d'argent un autre, j'en trouve un autre qui fait plus ma vibration. On sait pas travailler avec le temps. On est pressé constamment, les égaux. Pressé puis pressé. T'es dans le cercle de aussi. Moi, j'ai acheté une Mercedes, tu le sais, la belle, tu l'as vu, hein? Je l'ai pas payé cher, c'est une vieille. Et au bout. Dans le temps. Comme neuf. Le temps. Puis eux autres le connaissent, le temps. Mais nous autres, non, on est pressé. C'est un des plus grands secrets de la conscience de travailler avec le temps. Ils sont dans le temps, eux autres. Ils sont en dehors du temps. Nous autres, on est dans le temps. Mais pourquoi ils nous font entendre qu'ils sont dans le temps? Parce qu'eux autres sont en dehors du temps, nous autres, on est pognés dans notre temps psychologique. Nous autres, on est pognés dans le temps. C'est ça qu'on souffre. C'est ça. Nous en faut sortir. Ouais. Et éventuellement, ils détruisent le temps, fait que à ce moment-là, t'attends. Ah. Moi, attendre 10 ans, m'acheter une belle culotte, ça me change rien. C'est ça qui nous fait. Mais mec, j'achète des culottes, ça va être parfait. C'est ça qui nous fait souffrir, nous autres, dans le monde. C'est qu'on veut le dépasser. Vous allez en souffrir. Tant qu'on va d'ailleurs, c'est la première chose que je vous ai dit au début. L'impatience. Je vous garantis. Mais là, on le comprend davantage. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre davantage. Parce qu'on est conditionné. Notre entourage. Ben, c'est ça. Exactement. Le temps. Oui, l'entourage. On est conditionné vraiment. L'entourage. Les infos, ils vont pousser au bout avant que quelque chose arrive. Ils vont pousser à la dernière limite. Oui. Toujours. On ne travaille pas avec le temps. Ça, c'est un des grands secrets. Ça. De la puissance de l'homme, travailler avec le temps. Oui, mais il faut être guidé pour ça. Vous parlez avec le temps, c'est bon. Oui, mais c'est ça. Quand on est conscient, on est guidé automatiquement. Oui, c'est ça. Mais avant d'être conscient, le gars, il travaille, il fait n'importe quoi, comment n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. Le temps. Je pensais à mon mari. Il voulait aller par la télévision. Il dit il manquait un tournevis. Ça va au prochain tournevis, il vient acheter une télévision en couleur. Ensuite, il dit logement, c'est pas bien le fun. Viens, on va visiter la maison. Signe le contrat d'une maison. C'est aussi vite demain. Michel, il est au bout. Il est au bout du bout. Quand tu as besoin d'autre chose, on va aller chercher d'autres. C'est tout le temps comme ça. Vibration. Tu vas en voyage. Il y a un temps que si tu pars à telle date, tu vas rencontrer telle personne à tel endroit. Oh, oui, si tu pars avant, tu ne rencontres pas. Oui. Fait quand tu es connecté avec eux autres, ils disent on part le 27 ou assis-toi dans tel numéro de l'avion. Ils savent. Faut que tu es sûr. Bon, mais tant que tu n'es pas connecté, qui c'est qui va te guider? En attendant, tu guides ça. Mais tu penses que tu ne l'es pas puis tu l'es. Là, tu es fourvoyé. C'est ça. Il dit que c'est le principe qu'éventuellement, on le sait, ça. On le sait qu'on est dans le temps, on le sent. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de l'attendre. Ils ne sont pas capables. Il faut que tu Donc, ce qui arrive, c'est que si tu as de l'argent, mais là, tu vas encore plus vite. Parce que quand tu as de l'argent, l'ego rentre là-dedans. Là, c'est l'ego qui rentre. Moi, je peux monter une armée. Il faut rentrer. Si tu as de l'argent, c'est la facilité. Tu vas faire le mouvement, tu vas le faire trop. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens gaspillent leur argent, puis gaspillent. Moi, je connais des gens qui avaient des maisons la semaine dernière, ils revendent. Ils achètent des chars, ils revendent la semaine, ils achètent quelque chose, ils revendent, ils sont jamais satisfaits. Ils achètent des meubles, puis c'est pas le temps. Fait qu'au lieu d'accumuler des choses qui vont aller avec leur vibration, puis mettre leur argent dans d'autres choses, toujours créativement, c'est toujours recommencer. C'est une perte d'énergie. Quand t'achètes un meuble d'une maison, faut que ça soit final, ça dure 50 ans. Sans ça, t'as pas de limite. Sans ça, t'as pas de limite. C'est ça. Ça n'arrête pas. Les gens travaillent, tu travailles à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, tout le temps en masse, de tout avoir meublé ta maison, tout le temps. Tu calcules le salaire qu'un homme fait depuis 20 ans jusqu'à 60 ans, c'est une petite fortune. Il arrive à 60 ans, le gars est privé sur l'assurance chômeur ou sur le gouvernement, il n'y a plus une scène. Parce que les gens ne savent pas manipuler de l'argent. Puis c'est très dur à manipuler de l'argent. Très dur. Ça coule comme du sable entre les doigts. Ils se servent de ça toujours, hein, toujours rendre la situation de vie difficile. C'est ça que la conscience, c'est pas chaud.